بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Bienvenue mes frères pour ce 18e cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam. Wa qad wasalna ila bab Laylat al-Qadr. Nous sommes parvenus donc au sous-chapitre lié à la nuit du destin. Fa Laylat al-Qadr Laylat al-Musharrafa. Et donc la nuit du destin est une nuit qui est fortement valorisée. Allah le Très-Haut, il dit: Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Wa aydan mimma yadullu ala fadli hadhihi al-layla ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et aussi parmi les éléments qui montrent les mérites de cette nuit, la nuit du destin, il y a le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim dans son recueil, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui comme, c'est-à-dire celui qui va donc prier pendant la nuit du destin, en ayant la foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Wa dhakara al-ulama anna hadhihi al-layla fiha taqdiru ma yakunu fi as-sanati kulliha. Et certes, les savants, ils ont cité que durant cette nuit sont décrétés ce qui se passe durant l'année. Allah le Très-Haut a dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna kunna mundirin. Certes, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénite. Certes, nous sommes avertisseurs. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Durant celle-ci, donc durant cette nuit bénite, sont décrétés tout ordre sage. فَقِيلَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكِ. Et donc il fut dit que cette nuit, la nuit du destin, fut appelée comme cela à cause de cette raison que je vous ai citée, c'est-à-dire le fait que c'est durant cette nuit que donc est décrété ce qui va se passer durant l'année. وَقِيلَ أَيْضًا إِنَّ سَبَبَ تَسْمِيَتِهَا أَنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ. Et il fut aussi dit que la cause de ce nom est que c'est une nuit qui est fortement valorisée. Comme dans la langue arabe, dans la traduction française, on ne voit pas forcément cela. Car dans la traduction française, on dit la nuit du destin. Mais en arabe, Laylatul Qadr. Donc ce qui peut être lié à El Qadr, le destin. Ce qui peut être aussi être lié à El Qadr. L'importance, la valorisation, etc. Donc c'est une nuit qui est valorisée. Wa hadhihi al-layla akhfaha Allah ta'ala 'an 'ibadihi. Et cette nuit, Allah l'a cachée de ses serviteurs. Fa dhakara al-ulama anna al-hikmata fi dhalik an yazdada an-nas 'amalan fayataharraha al-muslimun وَيَجْتَهِدُونَ فِي اللَّيَالِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ. Et les savants, ils ont cité que la sagesse en cela, la sagesse quant au fait que Allah a caché cette nuit, est que les gens augmentent les bonnes actions que les musulmans cherchent et s'efforcent. Donc, durant ces nuits, durant les dernières nuits du mois de Ramadan, وَلَوْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ مَعْرُوفَةً لِكُمَ النَّاسُ فِيهَا وَانْتَهَى. Et si cette nuit du destin, elle était connue, on savait que c'était telle et telle nuit, alors les gens, ils auraient fait des efforts durant cette nuit et c'est fini. Comme on le voit aujourd'hui avec les gens qui nous disent que c'est le 27. C'est le 27, un point c'est tout. Et donc tu vois beaucoup qui, durant le mois, ils sont là, ils sont plus en train de regarder les moussal salat, les séries, ce qui se passe à la télé, etc. Et ils arrivent le 27, mashallah, ibadat, l'adoration. L'adoration. Et après, lorsque le 27 il est passé, on recommence dans les bêtises. Et donc, le fait que cette nuit nous ait été cachée, cela, il y a en cela une très grande sagesse venant d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et même encore, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont, durant cette nuit, la nuit du 27, j'ai déjà vu dans une mosquée, que, en fait, les gens ne savent plus ce que c'est que l'adoration. On vient, on prie l'Aïcha, après l'Aïcha on fait Tarawih. Et lorsqu'on a fini Tarawih, les gens, il faut absolument rester toute la nuit à la mosquée. Et donc, comment on va faire? Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Eh bien, on va chercher des activités. Allez, hop. Et il faut trouver des sketchs pour faire rire les musulmans la nuit du 27 pour qu'ils restent à la mosquée. Parce que c'est comme ça qu'ils sont récompensés. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Comme cela, on est loin. Mais loin de ce qui est voulu par cette nuit. Lakin al-an an-nas yabhathun fi akthar min layla likawnihim la ya'rifun ma hiya hadhihi al-layla. Et donc par contre maintenant donc les gens vu qu'ils ne savent pas quelle est cette nuit. Eh bien ils cherchent. Ils font des efforts pendant plusieurs nuits pour être sûrs de ne pas avoir raté Laylat al-Qadr. Wa aidan fiha yatamayyaz as-sadiq min ghayrihi. Fa inna ghayra as-sadiq yaksalu an taharriha. Et aussi durant cette nuit va se distinguer celui qui est sincère de celui qui ne l'est pas. Car celui qui n'est pas sincère, il va délaisser la recherche. Il ne va pas faire les efforts de rechercher cette nuit du destin. Parce qu'il y a plusieurs nuits, il y en a 10, etc. Ou alors 7, on ne sait pas. Est-ce que c'est les nuits paires, les nuits impaires? Je ne sais pas. Alhamdulillah, c'est l'heure de manger. Et donc certains ne vont pas faire des efforts. ثم ذكر بعض العلماء أن هذه الليلة لها علامات. Ensuite, certains savants, ils ont cité que cette nuit, la nuit du destin, elle a des signes. ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. Et parmi ces savants, il y a le très savant Ibn al-Uthaymeen رحمة الله عليه. فذكر من علاماتها إضاءة ليلتها مع أنها تكون في آخر الشهر. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il cite parmi les signes qui montrent que la nuit du destin, il y a le fait que sa nuit elle est vachement éclairée. Alors que pourtant c'est une nuit qui est à la fin du mois. Elle est à la fin du mois, normalement c'est moins éclairé. Il dit فَلَيْلَتُهَا أَكْثَرُ إِضَاءَةً مِنْ غَيْرِهَا. Et donc sa nuit, donc cette nuit du destin, elle est plus éclairée que les autres nuits. Donc les autres nuits de la fin du mois. وذكر ايضا ان في صباحها تطلع الشمس ليس لها شعاع. Et aussi il a cité le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah que au matin, le matin qui suit la nuit du destin, le matin qui suit la nuit du destin, à ce matin-là, le soleil se lève après l'aube, le soleil se lève sans qu'il n'y ait de rayon apparent. Sans qu'on ne voit donc de rayon. Et le cheikh, il a précisé, donc ça c'est un signe concernant le soleil, ça c'est pas un signe qui veut dire que tu vas devoir faire des efforts pour la nuit d'après. Ça c'est un signe qui montre que c'était la nuit passée. Fait al-hadith ou al-awwal. Et donc l'auteur, il cite donc le premier hadith. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylat al-qadr في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Et donc selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, que des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur fut montré la nuit du destin. Pendant leur rêve, il leur fut montré la nuit du destin en rêve durant les sept dernières nuits. Durant les sept dernières nuits, donc de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Je vois que vos rêves sont en accord. Vos rêves sont en accord pour les sept dernières nuits. Alors celui parmi vous qui recherche cette nuit du destin, alors qu'il la recherche parmi les sept dernières nuits. » Alors qu'il la recherche parmi les sept dernières nuits. « Ikhtalaf al-ulama fi laylat al-qadr, faqala ba'duhum, innaha laylatun tantaqilu fi al-ashr al-awakhir. » Et donc les savants, ils ont divergé concernant la nuit du destin. Certains d'entre eux ont dit que c'est une nuit qui se déplace durant les dix derniers jours. Ce n'est pas la même nuit chaque année. وقال بعضهم إنها ليلة معينة لا تنتقل. Et certains ont dit que c'est une nuit spécifique, elle ne change pas. C'est une nuit spécifique, elle ne change pas. وقال بعضهم إنها من أول الشهر. Certains ont dit que c'est une nuit qui est en début du mois. والأقوال في ذلك كثيرة في الحقيقة. Et certes, les avis dans ce sujet sont nombreux. Il y a beaucoup d'avis dans ce sujet. لكن سواء كانت الليلة أو سواء كانت ليلة القدر تنتقل في كل عام أو كانت ثابتة في يوم معين ولا تنتقل فإنه ينبغي للمسلم أن يتحراها لكوننا لا نستطيع أن نجزم بليلة معينة. Cependant, peu importe que la nuit du destin se déplace chaque année. Elle change chaque année. Ou alors que c'est une nuit qui est spécifique et ne change pas. Peu importe cela ou cela, il est convenable, il convient aux musulmans de chercher cette nuit. De chercher cette nuit, de faire les efforts, d'œuvrer dans l'obéissance et l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il va chercher cette nuit car nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité d'affirmer avec certitude que c'est une nuit spécifique. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Ubaydah ibn Samit anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam kharaja yukhbiru bi laylatil qadr fatalaha rajulan min al-muslimin. فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. البخاري a cité dans son recueil selon Ubaydah ibn Samit رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour informer de la nuit du destin. Il est sorti pour informer de la nuit du destin. Alors deux hommes étaient donc en conflit parmi les musulmans. Alors il dit, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je suis sorti pour vous informer de la nuit du destin. Mais un tel et un tel ont été en conflit, alors celle-ci a été enlevée. Rufi'at. Elle a été enlevée, ce n'est pas la nuit du destin qui a été enlevée, mais c'est la connaissance de cette nuit. La connaissance de cette nuit a été enlevée. وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ. Et il se peut que ça soit un bien pour vous. Alors cherchez-la, cherchez cette nuit durant le septième, durant les septièmes, ou les neuvièmes, ou les cinq. Cherchez cette nuit durant les sept, les neuf ou les cinq. فَرُفِعَ عِلْمُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَهَلْ يُمْكِنُنَا أَنْ نَجْزِمَ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَعْدَمَا رُفِعَ عِلْمُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc, est-ce que nous pouvons affirmer une nuit de façon spécifique après que la connaissance de cette nuit a été enlevé du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il la connaissait, et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que il ne la connaisse plus de façon spécifique sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons affirmer une nuit spécifique alors que la connaissance de la nuit de façon spécifique a été enlevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa antum tulahidhun anna fi hadithi Ubada ibn Samit Ibn Samit anna al-ikhtilaf madhmum. Et vous remarquez que dans le hadith de Ubadah ibn Samit que je vous ai cité à l'instant, que la divergence elle est blâmable. Lorsque ces deux hommes donc ont été en conflit, cela a été la cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait oublié la nuit du destin. Wa fi al-hadith aidan les savants, ils ont cité aussi parmi, donc dans le hadith, donc ce premier hadith, le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, ils ont cité parmi les profits de ce hadith, il y a le fait d'œuvrer avec les rêves quand ils sont en accord. Quand ils sont en accord. El hadith ou Fani, le deuxième hadith qu'il y a dans ce sous-chapitre. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. Et donc selon Aïcha رضي الله عنها, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits. Durant les nuits impaires, parmi les 10 dernières nuits. Ra'ayna sabiqan anna talaba laylatil qadri yakunu fi sab'il awakhir. Nous avons vu précédemment, lors du, avec le premier hadith, que la recherche de cette nuit se fait durant les 7 dernières nuits de Ramadan. Wal an dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-ashra al-awakhir. Et maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il cite donc les 10 dernières nuits. فقال بعض العلماء إن العمل يكون بالأخص أي السبع الأواخر. Et certains savants, ils ont donc dit que nous devons donc œuvrer avec l'information la plus spécifique. C'est-à-dire que on a les 10 dernières nuits, c'est général, et les 7 dernières nuits, c'est spécifique. Parmi les 10 dernières nuits, donc nous avons les 7. Et donc on œuvre avec l'information la plus spécifique, c'est-à-dire les 7 dernières nuits. لَكِنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةِ زِيَادَةً وَهِيَ الْأَوْتَارِ وَهَذَا أَيْضًا أَخَصٌ. Et certes, il y a, mais par contre, il y a dans le hadith de Aïcha une information en plus. Et c'est que cette nuit est recherchée parmi les nuits impaires. Et ça aussi, c'est spécifique. Et ça aussi, c'est plus spécifique. وقال بعض العلماء إن ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر مع ترجيح وقوعها في السبع الأواخر الأوتار. Et certains savants, ils ont dit donc que la nuit du destin se recherche durant les 10 dernières nuits. Durant les 10 dernières nuits, en sachant que il est plus fortement possible qu'elle soit durant les 7 dernières nuits impair. Durant les 7 dernières nuits impair. Al-Hadithu al-Thalith. Le troisième hadith et le dernier de ce sous-chapitre. An Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 11 أو 21 وهي ليلة أو وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. Et donc le troisième hadith selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf. Le i'tikaf, on verra en détail, inshallah, dans le prochain chapitre. Ça sera le dernier chapitre, inshallah, demain. Bi'idnillahi ta'ala. Et donc, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf durant les 10 nuits au milieu du mois de Ramadan. Alors, durant une année, il a fait l'i'tikaf jusqu'à ce qu'arrive la 21e nuit. Et c'est certes la nuit durant laquelle il sortait donc au matin de cette nuit, donc le matin qui précède cette nuit, le matin qui suit cette nuit, et il sortait pour la fin de son i'tikaf. Il a alors dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pratique le i'tikaf avec moi, alors qu'il le fasse durant les 10 dernières nuits. Alors qu'il le fasse pendant les 10 dernières nuits. Et certes, j'ai vu cette nuit, c'est-à-dire que j'ai connu cette nuit. Puis, unsi tuha. Puis on m'a fait l'oublier. Wa qad ra'aytuni. Et certes, je me suis vu me prosterner sur de l'eau et de la boue. Donc à son matin, à sa matinée, donc la matinée qui précède, la matinée qui suit la nuit du destin, la matinée qui suit la nuit du destin. Feltamisuha fil ashil awakhir. Alors cherchez cette nuit durant les 10 dernières nuits. Waltamisuha fi kulli witr. Et cherchez-la durant chaque nuit impair. Il dit le rapporteur Abu Saïd, il dit. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Et donc il dit, Abu Saïd, il dit, certes la nuit il a plu. Il a plu durant cette nuit. Et la mosquée, elle était sous ce qu'on appelle Arish, ce qui est utilisé pour se protéger, pour se faire de l'ombre. Dans d'autres narrations, dans d'autres hadiths, on voit que ce qui est voulu par là, donc, ce sont les feuilles de palmier. Donc les feuilles de palmier qui servaient comme toit de la mosquée. Alors, vu qu'il a plu, fait wakafal masjid. C'est-à-dire que l'eau a commencé à s'égoutter du toit de la mosquée. Alors, mes deux yeux, ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur son front les traces d'eau et de boue. Et cela, au matin de la 21e nuit. Le matin de la 21e nuit. Yustafadu min hadha al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yataharra laylat al-qadri fi awqat mukhtalifa min ramadan الأول والأوسط كما جاء في رواية في حديث آخر ثم أخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في العشر الأواخر. Et donc on comprend de ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait donc cette nuit, la nuit du destin, la recherchait durant des moments différents pendant Ramadan. Dans certains hadiths, il a été rapporté donc au début, les premières nuits, ensuite les nuits du milieu, etc. Et ensuite, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que cette nuit du destin se trouve durant les 10 dernières nuits de Ramadan. وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه النسيان. Et aussi on comprend de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم peut être touché par l'oubli. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. Et donc l'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez, alors si j'oublie, rappelez-moi. وَكَذَلِكَ إِسْتَدَلْ لِبَعْدُ الْعُلَمَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هي الليلة الواحدة والعشرين والعشرون. Et certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la nuit du destin, c'est la 21e nuit. وفي هذه المسألة خلاف شديد كما ذكرته لكم. Et certes, il y a dans ce sujet une très grande différence, comme je l'ai cité précédemment. La 21e, la 27e, la 25e, etc. فالصحابة أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة. Les compagnons eux-mêmes ont divergé dans ce sujet. مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alors qu'ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فعلينا نحن أن نتحراها في العشر الأواخر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc nous, ce que nous devons faire, c'est les chercher, ou la chercher, chercher cette nuit, œuvrer, nous efforcer d'œuvrer durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme nous l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrête là pour aujourd'hui, inshallahu ta'ala, et demain, bi'idhnillah, le dernier cours concernant ce chapitre du jeûne. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا